jeune au grec. Nique sa mère les fouquettes. T'as une poussière dans l'œil, attends je sors le lance-roquette. Le hip-hop est mort sur ma vie, je le regrette. J'parle dans ton dos, j'aime trop la levrette. Tu crois que je suis sérieux mais depuis le début je déconne. Le rap français dead, il a fort un Mac Bacon. Lunettes Vuitton, j'ai jamais froid aux yeux. Man, j'ai toujours foi en Dieu, jamais confiance aux hommes en bleu. J'ai mis du Botox dans mon stylo Big Westside, banlieue sale, ouais, Nachetan click. De la C, de la I, sur les prix on te chale. On importe, on exporte, j'ai le flow, t'as des HL. J'ai des albums toute l'année, ouais, 365 jours. Là mon quatrième, on attend toujours ton 45 tours. Disque de platine, jaloux, j'vois pas pourquoi t'es triste. Une banquette arrière avec ma chaîne, j'joue à Tetris. Du sky dans les veines, on s'enjaille. MC nettoie-moi les coins de la bouche quand je graille. On déboule sur scène, on t'enjaille. Un gun dans la bouche, on va te faire danser le rail. On s'enjaille, on s'enjaille. On s'enjaille, Robeux, on s'enjaille. Si t'es pas prêt d'assumer, fais pas qu'on vise les mollets. Là d'où j'viens, les vrais vont tout chercher l'argent là où il est. Dédié à tous ces fils de pute qui tiennent les clés au mitard. La vie n'a pas de prix comme ma montre Audemars. Les jaloux qui veulent clash finissent tous dans une mare. Ton African dream finit vite en cauchemar. Et clic clic ratatata, pose ton gun. J'ai le corps à snoop et les couilles à Big Pun. Ton flow pue la merde, va niquer ton cum. Image MC swing gomme. T'as des dents de lait, t'en laisseras quelques-unes par terre. Ta mère est trop jeune donc on a niqué ta grand-mère. Mec arrête le rap, ton album c'est de la demeure. Monte sur ma bite, t'auras le mal de mer. T'es à deux doigts de me faire chier à un oncle de nous quitter. J'ai un pied dans la merde et un orteil dans la mosquée. On parle plusieurs langages ici, on aime celui des douilles. Laisse les porter plainte, frérot on porte nos couilles. Du sky dans les veines, on s'enjaille. MC nettoie-moi les coins de la bouche quand je graille. On déboule sur scène, on t'enjaille. Un gun dans la bouche, on va te faire danser le rail. On s'enjaille, on s'enjaille. On s'enjaille, Robeux, on s'enjaille. Si t'es pas prêt d'assumer, fais pas qu'on vise les mollets. Là d'où j'viens, les vrais vont tout chercher l'argent là où il est. On s'enjaille, on s'enjaille. On s'enjaille, Robeux, on s'enjaille. Si t'es pas prêt d'assumer, fais pas qu'on vise les mollets. Là d'où j'viens, les vrais vont tout chercher l'argent là où il est. Ouais, Raizé, la prod est lourde, ma gueule. Eh ben, tu vois, tu vas la laisser continuer un peu. Parce que moi, quand j'étais petit, j'aimais bien que les rappeurs ils laissent un peu de beat à la fin, tu vois. Comme ça, je pouvais sampler ça et rapper dessus. Vas-y, laisse couler, ma gueule. Pour le sage, on t'enjaille.